Yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh. Yeah. Let's get it. J'fais le premier pas, je t'emmène danser. Danser. Si tu savais ce qui se passe dans mes pensées. Dans ma tête. Comportement, je sais que tu vas aimer. Elle est dominante, elle aime quand c'est corsé. Baby, j'comprends pas pourquoi s'inquiéter. Reste là, détends-toi, t'as l'air pressé. Toi et moi, le chemin est tracé. J'suis ton futur, oublions le passé. Dimelo, dimelo. Je chanterai pour toi, t'es ma plus belle mélo. T'as besoin de moi, compose mon numéro. Je suis là, ma belle, jour et nuit, ma belle. Oh baby, ma main me rend belle. Oui, sa beauté m'en sorcelle. J'aime pas quand t'es loin, faut te rapprocher. Non, j'aime pas quand t'es loin, faut te rapprocher. Oh baby, ma main me rend belle. Oui, sa beauté m'en sorcelle. J'aime pas quand t'es loin, faut te rapprocher. Non, j'aime pas quand t'es loin, faut te rapprocher. Putain, comment t'as fait là, je suis touché. Là, je suis touché. Là-bas, j'étais qu'un rat à la moelle. À la moelle. J'ai plus la tasse parce que j'ai trop brassé. J'ai trop brassé. J'mets des diamants sur tes plus beaux bracelets. Let's get it. Nous deux, on se sait, on a nos délits. Le danger nous attire, on fait des délits. Là, je te regarde, j'aime ton déhanché. Oh, yeah. Mauvais garçon, pour toi, j'peux me ranger. Je me range. Dimelo, dimelo. Je chanterai pour toi, t'es ma plus belle mélo. T'as besoin de moi, compose mon numéro. Je suis là, ma belle, jour et nuit, ma belle. Oh baby, ma main me rend belle. Oui, sa beauté m'en sorcelle. J'aime pas quand t'es loin, faut te rapprocher. J'aime pas, non, j'aime pas quand t'es loin, j'aime pas. Oh baby, ma main me rend belle. Oui, sa beauté m'en sorcelle. J'aime pas quand t'es loin, faut te rapprocher. J'aime pas, non, j'aime pas quand t'es loin, faut te rapprocher. Oh baby, ma main me rend belle. Oui, sa beauté m'en sorcelle. J'aime pas quand t'es loin, faut te rapprocher. J'aime pas, non, j'aime pas quand t'es loin, faut te rapprocher. Oh baby, ma main me rend belle. Oui, sa beauté m'en sorcelle. J'aime pas quand t'es loin, faut te rapprocher. J'aime pas, non, j'aime pas quand t'es loin.